sur les voies déchues, sur la voie déchue, qui telle une vieille cicatrice malsaine entache la vieille forêt entre Moutarde et la Saxe. Même si il est temps encore pour certains hommes de tenir des cartes, on s'interroge plus souvent qu'à son tour sur la réalité de celle-ci, leur véracité. Le plus souvent, ceux qui parcourent les voies déchues sont des égarés, bercés par l'oubli, ballottés entre leur destination indécis, toujours indécis. Il est la grande voie déchue et les descentes. Descentes qui mènent à des bosquets sacrés que les âmes les plus vives, les plus aventureuses caressent de posséder. Les sacrés ont des noms innombrables et cachent des trésors enfouis du temps jadis. Des artefacts, machines à orgone. Moteurs. Locales, de vieilles légendes, vieilles parce que les seuls à pouvoir ressasser les légendes paraissent vieux, rancis, comme des pruneaux qui ont trop longtemps séjourné dans l'eau de vie. Et c'est dans les discussions avinées de fin de repas que l'on évoque ce qui suscite l'émoi. Autrefois, là-bas, il y avait la voix du passé. Et c'est la voix du passé que mes filles, pollen, et la fleur. Le dragonnier sont venus quérir au cœur du bois. Ils sentent qu'ils se détournent de la voie déchue. Bon, peut-être qu'autrefois c'était une voie déchue aussi, mais ici il pleut tant et tant que les fougères ont achevé de percer le revêtement, de d'y joindre les derniers vestiges d'entretien qu'a connu la route qui mène à une petite éminence que l'on dit habitée par l'esprit d'une déité, l'un des séides innombrables de la chèvre aux mille chevrons. Dans le retable que contient son tombeau. On y trouvera la voie du passé. Vous avez longuement marché au milieu des fougères, des ronces mêlées qui envahissent la forêt. La pluie n'a pas cessé depuis le matin brumeux. C'est à presque nuit que vous parvenez à l'orée du bosquet sacré qui ceint le tombeau de ce séide de la chèvre des chevreaux. Presque nuit, une heure indécise entre chien et loup. Vous parvenez au fait de ce qui fut autrefois peut-être un village, un amas de décombres et de pierres amoncelées de guingois au milieu de la végétation exubérante, toute ruisselante de l'eau qui n'a cessé de tomber depuis des éons, vive, vivace. Des nuances innombrables, percées de fleurs aux couleurs vénéneuses, vénéneuses. Dans cette clairière à l'orée du bois sacré, là où l'on discerne que le chemin s'enfonce un peu plus après le monticule, se tient une silhouette encapuchonnée. Assise sur une vieille pierre toute moussue, du même vert, du même bain que les mousses qui recouvrent la moindre fraction de ce que fut autrefois le lieu. Son ouvrage, un monticule de vieux livres tout noirs, des idées enrubannées, par des membranes de vieux papiers qui ressemblent à quelque orchidée vénéneuse. L'un de ses livres noirs repose sur ses genoux. lorsque vous arrivez à sa hauteur et que le sol de gravier et de boue mêlée achève de signaler votre présence, il ne redresse pas la tête, il reste penché et la vieille houppelande toute usée, toute noire et maculée de ronces de boue, vous dissimule son regard penché sur le livre. Un discret à qui avons-nous l'honneur? Mon nom est Nixel. Nixel est mon nom. Néflier, enchanté, je présume. Dragonnier. Attristé serait plus approprié. Certes. Présomptueux, c'est cela. Je ne suis pas une fleur. Le dragonnier, c'est une fleur, ce me semble. Le une fleur rouge, avec une langue avide qui étend ses étamines pour mieux l'appel soleil. C'est mon nom. Es-tu Charon ? Cela. Nixel est mon nom. Mais. Es-tu un Charon ? Non. Un brocanteur de souvenirs. Tel est mon état. Mais que nous vends-tu ? Je ne vends rien. Je recueille les souvenirs des pauvres hères qui aventure au tombeau. Mais à quel tombeau, ça? Le tombeau où le brave Hanstrap s'est fourvoyé autrefois. Ah, il était vigoureux. La barbe imposante, broussailleuse, fournie comme le dernier buisson. Orgueilleux, il allait dompter la voix du passé. Des petits garnements égarés. Oh, notez que sa fessée a gardé de sa vigueur. Pourquoi me regardes-tu quand tu parles d'affaisser des petits garnements? Parce que ta voix témoigne de ta jeunesse, dragonnier. L'avidité de ta jeunesse. Il est d'usage, petit dragon. prisonnier. De laisser une obole pour que chacun puisse consulter le registre et savourer un souvenir de vous. Dans le bois, que laisseras-tu, dragonnier, sourdre de tes étamines, quel nectar déverseras-tu de ta ville? Allez, crache! Excel n'a pas que ça qu'à faire. Tu crois que j'ai d'autres choses à faire? Heureux de visiter le tombeau et d'approcher le retable du prince de l'ombre, alors tu dois verser ton obol. Selman le fit en son temps. Son orgueil lui avait soufflé à l'oreille qu'il saurait dominer le bois et tout entier le tenir sous sa coupe. Il avait alors l'oreille du haut roi. Descendant de Jean-Baptiste de la Quenouille. L'un de ceux qui fonda la dynastie. Qui s'hésite encore aujourd'hui? Avait prélevé dans le bois pourrait être le préserver du temps et de la soif de la langue. Sa modeste obole dans mon registre, ces histoires de Renzo. Les pouilleux qu'il voulait chasser de ses terres. Qu'as-tu à me confier? Dragonnier. sont passés. Après tes rodomontades, tu m'offres un simple mot. Il faudra être plus prodigue, fiston. Je ne suis pas ton fils. Oh. Que la terre humide m'en préserve. Ne t'ai-je pas dit que par le vieux j'ai d'autres choses à faire? Alors, confie-moi l'un de tes souvenirs chéris de ton passé, que je puisse l'inscrire dans mon registre. Pourquoi voulez-vous l'inscrire dans ce registre? Je l'ai dit, Neflier. Pour en faire la collection. Préservez votre venue pour la postérité, pour noircir d'autres livres que je suis tenu de préserver. Pourquoi cela sert-il de noircir ces livres avec des passés de personnes dont on ne que faire? Le temps vous est compté sur cette terre. Effectivement, si on n'aurait pas de proches qui seraient... qui ne sera plus, justement. Que serait la satisfaction de cueillir la voix du passé si on n'a pas marqué son temps? C'est cette marque que tu dois apposer, Neflier. J'écrirai sous ta dictée. Ce faisant, il ouvre le registre qui était posé sur ses genoux, se saisit d'un calame qu'il trempe dans un pot posé à ses pieds. Je suis suspendu à tes lèvres, Neflier. Qu'as-tu à me conter? Je ne sais quoi vous dire. Alors toi, dragonnier? Quand j'ai commencé mes études, pourrais devenir mercenaire. Plutôt tueur. Parce que les tueurs apprennent. Et pourquoi pas? Et qu'as-tu appris? Toujours plus de vilainie? Pourquoi pas? J'ai appris à me défendre, à me manier des. À me servir des armes, à manier ce couteau de chasse. Auprès de qui as-tu appris? Une classe. Et un professeur. Qui était ton professeur dans l'art de pourfendre son prochain? Je n'ai pas son nom. Il est sans nom? Il n'a jamais donné son nom. Il est personne? Exactement. On le surnommait maître. Désigné, pas surnommé. Tu serais l'élève de maître personne, à jamais charmé par le fil de l'épée. C'est exact. Je entre les gens dans la cour. Ils ont commencé à me demander de l'argent. J'ai refusé. J'ai sorti ce couteau de chasse et me suis occupé d'eux à ma manière. Je me suis fait des amis. C'était notre manière pour cette école de se faire respecter et d'avoir des amis. Tu parles d'un respect. Tu crois que c'est un respect. Et pourquoi pas? Respect pour et un gamin. Pollen. Quel obol m'offriras-tu? Offrir une obole. Cela est-il si nécessaire que cela? Pour ménager une trace, une maigre trace dans les sillons du passé. On veut bien nier l'histoire. Un micro-sillon dans la trame de l'histoire. Cela est-il seulement dans l'ombre noire du temps. Cela est-il véritablement nécessaire que de laisser sa trace? Pour souvenir, la trace est une contrée, je n'y vis pas. Ainsi, tu refuses à l'obol à laquelle tous les impôts pétrants sont astreints pour trouver la voie du passé. C'est plus qu'une obole, c'est un endroit de passage. C'est une obole. Tu offres l'un de tes souvenirs qui enluminera l'un de mes volumes. Mais à quoi te sert de faire d'enluminer? Tu es aveugle. Je vois bien ta présomption, en tout cas. Le dernier mot et renoncer à l'obol, eh bien, Anne-Baptiste, passe ton chemin. Il en sera pris note dans mon registre. Toi aussi, tu te dérobes? Je ne sais juste quoi vous évoquer. Allez, soyez sympa, moi j'ai pas envie de rester tout seul, les gars. Allez, passe ton chemin, gobe couillon. Je me suis néflié. J'ai, pendant un temps, été au... C'est noté. Néflié. Tourne la tête vers toi. Dois-je poursuivre? Je t'y invite. Fais ton obol. Offre-moi un souvenir digne de ce nom. J'étais donc cultiste. Au sein du culte des de la chèvre. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit? Oh. Ah oui, d'accord. Mille. Yes, j'ai écrit molle. Tout va bien. Mille chevrons. Malheureusement, dû à des conflits d'intérêts au sein de ce culte, j'ai dû m'enfuir. Tu as renoncé à ta foi ? Non, pas le moins du monde. J'ai renoncé au... À l'habit ? J'ai renoncé à l'habit au sein de cette foi, car les représentants de cette foi sont, selon moi, détournés du droit chemin. En ce sens, si j'y arrive, ma tâche devra être de purger cette section. Je pourrais t'aider. Voilà une noble ambition. Peut-être trop présomptueuse, mais c'est la seule chose que je puisse vous offrir. En espérant que cela vous convienne. Cela me convient, c'est noté. Vous pouvez accompagner votre Anne-Baptiste jusqu'au tombeau désormais. Merci. Que la pluie le lave de ses péchés véniels et que le vieux vous tienne en sa sainte garde par Jésus-Christ. On y va pas. Je te suis. C'est par où ? Le chemin, la sente s'enfonce plus profondément au cœur du bois. Les arbres dressent leurs troncs tout autour de la sente envahie par les ronces. Leurs racines denses retiennent les eaux que déverse le ciel sur cette terre avide. Et vous peinez longuement, marchant dans la glaise qui s'accroche à vos bottes, qui se dérobe sous vos pas, qui semble vouloir vous attirez dans cette boue. De cet instant partagé avec cet ermite, cet ascète tout racorni aux chairs tendues sur ses ossements. Chair pâle, comme les vieux avec lesquels tu as échangé tes serments, néfliés dans l'antre de la chèvre. Avec ferveur dans un pot rempli d'une sève épaisse et rance pour les déposer sur les pages d'une noirceur de charbon de son livre. Tu n'as pas vu l'encre qu'on coutume de déposer les colporteurs de souvenirs sur les feuilles d'arbre pour y coucher des poèmes, les poèmes qui remémorent les jours heureux, les temps fastes. Tu as fait une obole et l'obole, c'est faire don de son souvenir, de ce qui est précieux à soi. Et tu as vu dans ce vieil homme quelque chose de décharné. Pollen, avant de se faire l'apôtre Anne-Baptiste. C'est pas Anne-Baptiste. Anne-Baptiste. Gob Couillon. Migue la lune. Ce sont les mots qui résonnent encore dans ton esprit. Comme autant d'appellations que tu as pu recevoir en ton jeune temps, avant même ton noviciat au sanctuaire, à honorer la puissance, la force de la sève qui sourd de la chèvre aux mille chevreaux. Et à mesure que tu peines sur le chemin de ronce qui s'accroche, qui arrache tes atours, tu vois s'effacer la houppelande, se tendre sur les sarments que sont les doigts. Ce petit bois de vigne où pousse plus aucun fruit, ses doigts crispés sur le calame qui trace le vague souvenir du temps où tu fus novice et tu n'as que le souvenir d'une grande bâtisse désormais, une grande bâtisse austère, pleine d'humidité, l'orphelinat où les vauriens de Poulot Condor reçoivent leur formation lors de leur noviciat. Et à mesure que tu peines, tu vois dérouler sous tes paupières, plissées par l'effort, non pas la boue grise et sombre qui enserre les racines des ronces, non pas les cailloux agglomérés à la terre noire du lieu, mais le souvenir diffus de tes tenues sur ce monticule à l'orée du bois, non pas auprès d'un vieux enroué, un vieillard kakoshim qui noircirait des carnets, mais un monticule de carnets noirs noués les uns avec les autres, empilé entassés vaguement les uns sur les autres, sans ordre ni procès. Bah, t'es obligé de m'enculer dans ce cas. Papier noirci, étrangement lié, fagoté, emmailloté dans du papier de riz. Le papier précieux en usage à Little Hope, mais étrangement noirci, comme si ce qui devrait y être inscrit est sans importance, gisant dans le fossé en contrebas, au milieu d'une pierre et d'une vieille roue de bois. Et le sens, la sensation d'écoulement à mesure que tu gravis la pente, la sensation que, comme le cours d'un rue, d'un torrent de montagne, le sol se dérobe sous tes pas, reflue, retourne vers ce vague fossé, ce trou, avec la roue suspendue. De ton noviciat, tu ne te souviens plus... de ce qui t'a opposé au à l'ordre. Tu te souviens simplement des sévices que tu as subis dans ce grand orphelinat humide. Dragonnier, de ce souvenir confié au vieil homme à la voix cassée, aussi brisée que son dos penché sur l'ouvrage, ses ouvrages entassés, gisants dans le fossé, auprès d'une vieille roue comme celle qu'ont les charrettes à moutarde. Ces charrettes derrière lesquels tu courais pour récupérer la provente du jour étant gamin. Ces charrettes où tu récupérais de quoi subsister quelques jours de plus. Où tu as dérobé aussi loin que remontent tes souvenirs, tout ce qui a pu pour toi compter, tout ce que tu as par-devers toi, comme la dague que tu as chapardée à ce tueur qui protégeait ce gros homme, Hans, qui venait du bourg voisin. Celui qui avait les champs où poussaient de grosses et juteuses courges qui, lorsqu'elles étaient percées par les chaos du trajet, ne trouvaient pas grâce aux yeux du couvent voisin et dont tu pouvais te régaler. Jamais personne ne t'a appris à manier le couteau, seulement ta peur de te voir au bout du couteau, empalé, à guider ta main. de la façon la plus sûre pour dissuader celui qui te menacerait. Tu as fait le bol de ton souvenir, donc... Tu n'en es plus maître. Tu n'as plus de souvenir. Tu n'es plus... Tu n'as plus le talent des armes. Hein? Ah non. Quoi? Puisque tu as expliqué comment tu as appris. Donc tu ne maîtrises plus ces armes. Et selon toute logique, j'ai perdu la capacité liée au cultiste évadé. C'est cela. Mais comme j'ai été suffisant, j'ai expliqué que ce point-là, je perds pas les autres compétences. Exactement. Et du coup, moi, je marque je peux, au lieu de l'effacer, je peux juste faire un tirant à côté. Tu peux mettre un tirant à côté. Et en fait, ce que je vous suggère, c'est que puisque vous avez conscience de... Cette perte. De cette perte, que vous l'avez ressentie physiquement à mesure que vous gravissiez le chemin pentu qui serpente à l'intérieur du bois, et à mesure que les arbres se font plus grands, que la végétation est plus devient un obstacle physique à votre progression, vous avez eu de moins en moins la certitude d'avoir rencontré ce vieil homme. Vous avez juste le souvenir des noms peu enviables qu'il a accolés, trois noms qu'il a proférés dans votre souvenir. Il a parlé de Gob Couillon, de Mig la Lune et d'Anne Baptiste. Trois noms dont il a jublé votre compagnon Pollen. Mais la seule certitude que vous ayez, c'est d'avoir vu dans le fossé ce monticule de livres noirs en papier de Little Hope, gisant dans le fossé, à côté d'une grande roue comme celle d'un chariot, rongée par les mousses et les lichens. J'ai rien compris. Non, on parle à haute voix. C'est pas un... on joue en transparence. T'avais dit que j'avais perdu le sens de manier les armes. Oui. Mais t'avais aussi dit que je savais me défendre. Oui, tu savais te défendre, mais sans les armes. Donc tu as une dague, mais qui ne t'est plus utile. Du coup, je me défends. Alors, le principe, c'est que tu saches encore te défendre, mais tu ne sais plus manipuler l'arme. Pour toi, l'arme, c'est comme un bout de bois. Comme un objet dont tu ne saurais pas l'usage, ou comme c'est le cas pour toi. Si tu te saisis de la dague et que tu m'en menaces... Comment ça marche, ça? Hop. Je serais à même de faire cela. Non, d'accord. Je serais comme ça. Comment ça marche? Non, pas à ce point-là. Mais tu n'auras pas l'usage que tu en faisais en ce souvenir que tu as confié à... Mais je suis un tueur, mais je ne suis pas un tueur. C'est cela. Je suis un tueur, mais je ne suis pas un tueur. C'est étonnant. Du coup, je marque défense. Tu marques rien puisque tu les avais. C'est juste que tu as donné ta faculté d'utiliser en toute circonstance une arme de façon efficace. Tu l'as confiée puisque tu lui as fait l'obol de ce souvenir. Et donc, par une étrange loi du monde qui est propre à cette Hermine Valienne, ce souvenir, tu l'as transmis à cet homme dont tu n'es plus sûr, maintenant que tu as gravi la pente, qu'il se tenait bien sur ce monticule à l'orée du bois. Ce dont tu es certain, en revanche, c'est d'avoir vu au creux du fossé un monticule de livres noirs, une roue brisée couverte de lichens, un de ces livres. Et à mesure que tu gravis la pente en voyant ces souvenirs s'écouler comme le torrent et la pluie qui ruisselle entre les ronciers et qui vient raviner le sol pour s'écouler au bas de la pente, affleure une question. Qui as-tu laissé derrière toi sur la voie déchue? Y a-t-il quelqu'un qui, comme le suggérait l'effrayé auprès de cet homme dont tu n'es plus sûr? C'est qui cet homme? D'avoir rencontré, que tu n'es plus sûr d'avoir rencontré, ce Nisfled, qui as-tu laissé derrière toi et qui pourrait se préoccuper de ton devenir? Y a-t-il quelqu'un parmi les Voriens de Moutarde qui se préoccuperait du sort de Dragonnier? Oui. Qui? Ma meilleure amie qui était avec moi à l'école où je suis plus sûre d'avoir été. Ça, tu le sais plus. Qui était à l'école de... Qui était à l'orphelinat de Poulot Condor? Non, à l'école où j'étais. Ah, l'orphelinat de Poulot Condor, donc. Bah, y a pas de... d'école. L'école dont j'avais parlé, dont je suis plus sûre d'avoir été. Bah non, c'est pas que t'es plus sûre, c'est que tu sais plus. C'est bien ce que je te dis. L'orphelinat Poulot Condor, où vont tous les Voriens. Ce grand bâtiment humide et austère, où les prêtres du vieux enseignent les préceptes de Jésus-Christ aux gamins que l'on a abandonnés à leur sort, livrés à leur sort et à la rue. Les âmes charitables les confient aux bons prêtres bedonnants, aux bedeaux qui leur enseignent les rudiments du culte. Certains deviennent plus tard des prêtres, ce ne fut pas ton cas, mais donc elle peut-être est-elle devenue nonne? Non. Et t'attendra-t-elle à Moutarde? Qu'est-elle devenue? Tu le sais? Oui, elle était. Elle m'a dit que. Bah, elle partait en Saxe? Non. À Little Hope? Non. Elle partait à côté de chez moi. Sur l'îlot de Poulot Condor? Oui. Non, mais. Oh, ouais. Néflier, qui as-tu laissé derrière toi? Qui, comme tu le suggérais, à Nisfeld, Nisted, enfin cet Olibrius étrange, au corps osseux, que tu te souviens vaguement avoir vu au bord du chemin, attendant qui? Nous attendons vous, mais qui t'attend toi? Je ne sais pas. Personne ne t'attendrait vraiment, comme tu l'as suggéré, ou as-tu le souvenir d'un être qui te serait cher? Personne ne m'attendrait. Que le vieux protège les âmes égarées. Les errants, les pauvre erre qui parcourt les voies déchues, que Jésus-Christ les tient en sa sainte garde, et que ces errances ne sont que des circonvolutions, des parcours d'un cercle, le cercle du temps. Les mots qui surnageaient au sein de cette assaut, ce flux mouvant qui a surgi sous vos paupières tendues par l'effort alors que vous gravissiez la pente. Jusqu'à ce que vous arriviez à la ligne pleine, lorsque s'éveille la lune, qu'elle perce les frondaisons et qu'elle éclaire le vague chemin que vous suiviez. La fatigue vient à vous peser. Vous sentez sur ces voies incertaines, ces voies déchues qui connaissent nombre d'errants, on circule en cercle. Et vous avez quitté un cercle du souvenir pour en gagner un autre. Vous êtes entré en un second cercle où vous sentez désormais sur vous peser le poids des souvenirs qui hantent les âmes tourmentées, les esprits qui se sont dérobés à leur maître et qui errent tout comme vous sur ce chemin de peine. Les ronces s'agrippent à vos bottes, le lierre cède à regret sous votre pas. Des heures durant vous avez marché dans la pénombre et désormais tenez dans une clairière éclairée par la lune. Avec cette incertitude, ce doute qui désormais vous habite, avez-vous vu un Nidsed, un vieillard sous sa houblande, vous parlez? Avez-vous vu échanger quoi que ce soit? Avez-vous honoré cet enlumineur aveugle au temps qui s'écoule à rebours? Oui, non, mais tu l'as vu avec certitude. Oui. Tu choisis cette voie. Tu considères que tu l'as vu et ce n'est pas cette vieille roue endommagée que tu aurais vue. Non, c'est un vieillard dans sa houppelande sur un caillou qui avait un livre sur ses genoux où il écrivait... Et qui nous posait des questions sur notre passé dont je n'ai plus de souvenirs. Je demande bien ce que je lui ai raconté. Mais les lois du monde sont ainsi faites que lorsqu'on fait l'obol de son souvenir à un désireux, ce souvenir vous échappe. Il se dissipe. Il s'enfouit sous le poids des voix des esprits. Dans ce jardin désordonné où règnent en maître les ronces, vous vous trouvez privé de votre souffle, du souffle qui vous a porté. Dressez-vous un camp pour vous reposer. Moi je dirais quoi, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Un camp serait trop visible. Au moins trouvons une aspérité du terrain, une espèce de colline qui nous iront nous poser au versant. Et nous cherchera moins par là. Soit. Y a-t-il un lieu qui correspond à la description Y a-t-il... Donc, je disais que ce n'était pas très sûr d'installer son camp dans une plaine, dans une clairière, et qu'il nous faudra plutôt chercher une aspérité du terrain qui nous permettrait de se dissimuler du premier badaud. Parce que je ne pense guère que nous soyons suffisamment éveillés pour mener la garde alternativement. Et puis, en termes d'armement... Vous êtes, à proprement parler, épuisé. Et... Tu sens comme un poids à ton côté. Un poids embarrassant. Cette dague de chasse passée dans ta large ceinture. Tu crains à tout moment qu'elle ne vienne percer ta hanche. Tu sens son poids qui te pèse. Je la retire de ma ceinture et la tiens pour éviter que ça me transperce. Et tu ne sais où porter la pointe. Ah. Tu t'en sers pour éloigner les fougères qui s'entortillent autour d'elle à mesure que vous progressez maintenant à nouveau dans la nuit, parce que la nuit s'est installée à nouveau autour de vous, vous ne voyez guère, et vous vous guidez simplement par de vagues éclairs que jette la lune entre les troncs, pour vous diriger en suivant la sente, gravir une nouvelle pente qui achève d'épuiser vos forces. Vous arrivez essoufflé à un petit monticule que ceint une ribambelle de hauts arbres encore plus majestueux que ceux que vous venez de quitter. La sente y enfonce un peu plus au-delà, grimpant à nouveau. Après une descente dans un trou, une fosse, une combe où gargouille une mare. Et sur le monticule, il est un vieil ouvrage, des ruines. Des ruines couvertes de mousse, mais des ruines qui traduisent leur ancien usage, et un rue vient ébranler une roue à aube qui grince. C'est elle qui vous a fait hâter le pas. Une roue à aube qui tourne. Sous l'effet de l'eau et entraîne des mécanismes qui grincent à leur tour, qui crissent. Le bois joue contre le bois sous la pentille près de l'atelier. Une vieille scierie, un vieux moulin à aube. Est-ce là ce que tu cherchais, Pollen ? Un abri de cette sorte, oui, pour y passer la nuit ? Ce n'était pas ce à quoi j'avais forcément pensé, mais soit cela fera l'affaire. Servir de ça. Dans quel but ? Pouvoir me défendre et aussi éviter de me percer la jambe. Comme dit son habitude pour la jambe, et ensuite pouvoir te défendre. La défense, c'est l'attaque ? Oui, c'est exact. Si quelqu'un m'en veut et me fonce dessus, je pourrais au moins me défendre. C'est avec un soulagement important, un immense soulagement que vous gagnez l'abri ménagé par cet appenti. Vous entendez la pluie crépiter sur le toit enduit de poids. Au-dedans, crissent les mécanismes comme le sable dans lequel vous avez piétiné longuement dans la nuit noire. L'air semblant tout autour se refuser à vous. Vous refusez l'accès à la maison. C'est avec vos dernières forces que vous avez gravi la pente. Vous êtes hors d'haleine, épuisé. Chaque pas que vous faisiez dans la glaise parmi les ronces sous le couvert des arbres était comme les pas dans un monticule de sable qu'on déverserait devant vous. À mesure que vous avancez, le sable rejaillit, crisse sous vos pas, comme crissent les graviers au milieu des ronces. Vous refusant l'accès au haut de cette pente, enfin vous y êtes épuisé. Quelle disposition prenez-vous pour la nuit ? Dans le culte auquel j'appartenais, enfin, ou pas, mais dans tous les cas, j'ai conservé mon but. Donc, je sais que j'ai des rudiments d'un culte, lequel ce serait pas logique si mon personnage en était encore conscient, mais si. Il sait juste pas qu'il a été déchu du coup. Mais il sait qu'il a été cultiste parmi eux pendant une période. En gros, il a un flou sur pourquoi il n'en fait plus partie. C'est ça. Ok. Je préfère être sûr pour l'interprétation. Donc en soi, j'imagine que ce culte a des rituels de surveillance ou de protection, entre guillemets. L'un ou l'autre. Tout con, mais par exemple, un rituel qui fait un bruit pas possible s'il y a un truc qui rentre qui n'est pas prévu à cet effet. Genre si par exemple il y a une forme humanoïde qui ne fait pas partie du rituel qui rentre dans le camp. Pour éloigner les esprits qui seraient étrangers à la sève, la vie précieuse. Voilà. On humecte, on imprègne des linges de sève et on les ceint sur son front pour protéger son esprit. Ai-je de quoi effectuer le rituel? Oui. Pour les trois Olébrius que nous sommes? Oui. Puis-je l'entamer? Oui. Y a-t-il un lancer, un truc à la con? Non. Tu y prêtes toute la force de ta foi, celle qui t'habite encore. Tu es convaincu de la portée de ta prière à la chèvre aux mille chevreaux. Alors, si personne ne s'y oppose, on va déterminer ce que cela produit. Je sais pas. Quelle est ton intention d'éloigner effectivement d'éloigner tout esprit néfaste ou esprit qui pourrait venir nous déranger. Donc, c'est de l'ordre de ta profession, nous sommes d'accord. Un talent pertinent, un des plus. Et tu as dit que tu y mettais ton âme. Quatre, c'est... Il est réussi, mais il y a une complication. Voilà. Je te laisse décrire la complication. C'est ça, la complication. Est-ce que tu veux y mettre un peu plus que cela? C'est le pacte du diable. Le pacte avec l'ombre, est-ce que tu... Quels sont les... J'accepte aveuglément ou j'ai le droit d'en connaître les termes avant de l'accepter? Tu vas en connaître les termes, bien sûr, avant d'accepter. Ça pouvait très bien être signé à l'aveugle. Hein. Mais tu peux aussi prendre un risque supplémentaire et choisir de relancer. Et dans ce cas-là, un dé devient noir, donc j'aurai deux dés druides. C'est cela. Je veux d'abord écouter les termes. Ah, c'est si quelqu'un d'autre a un pacte. Est-ce que quelqu'un a un pacte à proposer? Moi, avec l'ombre. T'es premier. Nous t'écoutons. Tu réussis. Enfin, tu as une seconde chance, mais. Tu réussis, mais. Tu perdras tes cheveux. Ça marche pas très bien, ça. Quoi ? Tu réussis ? Tu parviens à éloigner les esprits, mais il en résultera la perte de tes cheveux. C'est complètement con comme pacte. De toute façon, c'est une réussite présumée, donc je préfère encore voir les risques. Le risque, mitigée. C'est toi qui, dans ce cas-là... va jeter un dé de risque, tu relances... Encore un de plus un... Ah non, si je relance. Voilà. Mais je peux très bien garder le 4. Et garder le 4. Le 4 est une réussite mitigée. Oui, mais je veux voir ce qui est une réussite mitigée. Et puis, je suis désolé, Xavier, mais ton pacte, comment dire. Tu peux pas la deviner. Oui, j'en ai conscience. C'est un 4, donc c'est une réussite mitigée, mais... Donc, tu me laisses... Attends. Je vais prendre le risque de lancer le risque. Donc tu relances Il faut le deuxième dé noir. Tu relances le 1. Ah, tu voulais que j'en relance qu'un? Oui, t'en relances. C'est un dé que tu prends, un risque supplémentaire. Donc t'avais un 4. Voilà. 6. 6. Donc tu prends un druide. Puisque ton dé est supérieur, mais... Je suis à 5. Ça permet. Et donc, tu peux amorcer à compter de maintenant. L'inverse. le fait de... Comment puis-je faire pour inverser le processus de la ruine? Agir dans l'intérêt de la forêt. Mais on se situera dans le troisième cercle alors que tu le feras. Sur le chemin du troisième cercle. Donc pas tout de suite. Bah si, parce que là on va passer au troisième cercle. Ce qui était entendu, c'est que tu saignais le front de chacun d'un linge imprégné de sève, d'une huile que tu tenais. Qu'est-ce qu'il fait? En murmurant. Ya, ya, chum niguat, ya, ya, chum niguat, la chèvre protège tes rejetons. Et... Oh là là. Et ensuite, il ceint votre front. Non, mais pas avec... Mais c'est pas en bandeau. Linge... Mais c'est pas un bandeau. De la sève. J'ai l'air collante. Ridicule. Elle nous sera tous ridicule. Mais j'ai l'air ridicule. Et chacun s'adosse à l'un des pilastres, puisqu'il n'y a ni grabat, ni quoi que ce soit qui puisse tenir lieu de lit. Mais ainsi, le front sain et votre âme promise à la force de vie de la chèvre. Mais c'est ridicule. Ne me prenez pas en photo. Vous endormez et tentez de reprendre des forces. Espérez recouvrer la sève que vous aura dérobée cette ascension. La brume vous entoure, vous peinez à ne serait-ce que soulever vos paupières, vos oreilles bourdonnent, vous avez l'impression que une pression s'exerce sur vos pavillons. Les paupières, pollen, une vive douleur se manifeste. Tu as l'impression d'avoir du sable qui crisse sur ton globe oculaire, qui vient arracher irriter tes chairs, ouvrir les yeux et en soi une souffrance, les maintenir ouverts est un effort intense. Tes yeux semblent englués par la sève qui a coulé depuis ton front, la sève qui imprégnait les linges obligeamment néflié à nouer en signe de protection, vous plaçant sous le règne de la chèvre aux mille chevaux. Merci. fait, et maintenant j'ai mal au genou. Avant même que vous ayez entrepris cette folle ascension, Néflier, tu es sûr d'avoir déjà croisé ce regard fourbe. Tu regrettes maintenant qu'il ait ceint sur ton front. Ce linge imprégné d'un suc nauséabond. Dans quelles circonstances as-tu rencontré autrefois Néflier ? Quelle perfidie a-t-il mené à ton encontre ? C'est toi, Néflier ? Oui. Il était convaincu que j'étais dans le mal et avant de vouloir purger les sectes, il a commencé par essayer de me purger moi en considérant que j'étais un anabaptiste. Un anabaptiste. Ainsi, Isfeld disait vrai. Tu as entendu ce terme anabaptiste. Tu donnes des noms aux choses. Tu leur donnes la force vive que seule la chèvre peut leur donner dans tes croyances déviantes. Tu places la force vive là où elle ne devrait pas être. Tu insuffles des mots sales dans les pauvres esgourdes d'âmes innocentes. C'est ainsi que tu as converti à ton culte le brave dragonnier, le voleur oublieux. Tu lui as ôté le droit à mener une vie vertueuse. Tu en as fait son instrument. Pour cela, tu vas devoir subir l'exorcisme. Augmenter. Tu te souviens du visage de Néflier habité par sa foi, envahi par celle-ci, le regard fou penché sur toi. Réduit à sa merci, ceinturé par des bedeaux du temple, et on t'a soumis à un lavement ignoble, horrible, l'entonnoir en bouche, des litres d'eau et de sève pour te laver. Des mots souillés qui enténébraient ton âme pour te libérer. Tu te souviens de ceux qui te maintenaient. Amstrap, le barbu. Et celui-là même que tu étais censé avoir dévoyé, dragonnier, qui te maintenait avec fermeté une clé de bras, immobile dans ta douleur. Bah, j'aurais pu lui faire engloutir mon sortilège. Ces litres. Comme ça, lié. De sève salvatrice, dragonnier, en t'éveillant, ce qui émerge, surnage au milieu de la douleur qui cisaille tes paupières. Hein? Quoi? Moi aussi? C'est le souvenir de Pollen. Convaincu qu'un mal, un signe est entré en toi, comme dans tous les autres dans cet orphelinat, et d'imposer à la mère supérieure, avec force, conviction, livre, ouvrage, citation, des heures de discours fleuves, à écouter ces élucubrations sur le mal qui nous ronge tous, qui ronge les corps, qui les menace. Devant le contrôlement d'ordre. Une couronne sombre. Une histoire de couronne qui s'insinue dans le nez. Pourquoi mon nez ? J'ai mal au nez. Et qui retombe sur les bronches et emprisonne le souffle et qui ronge le corps de l'intérieur. Mais il a le remède souverain, une bouillie infâme et noirâtre à base de sève de bouleau. Qu'il vous a fallu boire tant et tant. Cette nausée, tu t'en souviendras. Ah, avant, tu te sentais gaillard. Oh, le nez un peu pris. Tu tousses aux têtes de temps en temps. À en cracher du sang. Mais tu te souviens de la nausée qui suivit. Néflier, oui. Tu retires avec soulagement le linge protecteur, celui frappé des mots humides, de la sève sanctifiée de la chèvre. Nul n'est venu troubler votre sommeil, si ce n'est de vieux rêves récurrents. Et la certitude d'avoir, avant cette ascension, croisé un vilain garnement auquel tu es certain, tu dois ta déchéance. Pourquoi vous me regardez ? Un gamin d'une douzaine d'années. Mais arrêtez de me regarder ! Un voleur. Mais arrêtez de me regarder ! Un voleur c'est que tu vrai, as vu s'enfuir par le soupirail, mais personne n'a voulu te croire car les barreaux étaient trop étroitement serrés pour qu'il ait pu emporter le précieux suaire qu'on tenait. Arrêtez de me regarder, c'est pas vrai, j'en ai pas pris. Oh. Qu'on tenait comme. Mais c'est pas parce que je suis un voleur que c'est forcément moi. Le plus grand trésor de l'ordre, le suaire. Imprégné des humeurs dans ce trap sur son gisant. Et le sueur a disparu. Il était sous ta garde, car on doit renouveler les prières nuit après nuit pour que les mots imprègnent la sève qu'on y dépose. Des mots prononcés, et comme chaque novice, tu as respecté ton vœu, tu as prié toute la nuit, mais une nuit seulement, parmi tes veilles, tu étais emporté dans ton sommeil, emporté par la mélopée qui portait les mots, et dans cette mélopée tu as vu Alors que tu émergeais de ce demi-sommeil, le gamin que tu avais vu errer sur le marché à Moutarde, un voleur à la tire. Mais arrêtez de me regarder, c'est pas moi. Et ce gamin, c'est Dragonnier. Mais c'est pas vrai, je vois pas de quoi vous parlez. Ça me correspond à la description pourtant. Tu sens toute la force du bois en toi, toute la force. Toute la sève qu'appellent les eaux, les pluies qui revigorent par leurs racines, les arbres tout autour de toi. Tu te sens fort, fort même si la douleur est en toi. Il faudrait que tu pleures la sève pour libérer tes énergies, que tu te fendes d'une saignée pour... Ça diminuerait ma ruine. C'est cela. J'imagine que j'ai pas trop le choix. Et tu entreprends cela, il faut pas que tu fasses 6 sur... J'ai quoi à lancer? Un des 6. Blanc, noir. Noir. Mais de quoi? C'est quoi l'idée? C'est de me taper? Oh, j'ai peur. 2. Enfin, je perds 1 du coup. Voilà, tu redescends à 4. Et après, tu choisiras librement de poursuivre sur ta lancée dans le même esprit. À chaque fois que je diminue d'un, il y a une action. C'est ça, tu dois entreprendre un sacrifice au bénéfice de la forêt. Ça suffira. Et le sacrifice peut être suggéré par ce que vous êtes remémoré de vos liens passés. Non, mais vous allez me faire perdre tous mes trucs ou je sais comment. Mais arrêtez de m'emporter aussi. Après avoir répandu un peu de ta sève sur le sol de l'atelier, tu es pris de vertige. Tu vois l'air autour de toi tournoyer, l'air qui était si dense, qui vous empêchait de progresser la nuit précédente, semble souffler comme une tornade autour de toi. Les feuilles alentour bruissent toutes. Admission. Moi je le regarde et je le tournis parce que... Tu as le tournis parce que le sol même semble tourner, les nuages que tu as vus dans le ciel dissiper la brume, les pluies. Raviner le sol, et c'est bientôt la neige qui tombe. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les nuits qui succèdent aux jours, les années qui passent. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ça, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'avoir 50 ans tout de suite, moi. Tu sens tes articulations qui se raidissent. Ton genou qui te fait souffrir comme à chaque fois que tu te redresses, ton dos qui se bloque. Ah, je me suis bloqué le dos. Ah, ça y est, je suis vieux. Ta barbe. J'ai une barbe. Qui pousse, longue, qui maintenant rejoint ta poitrine. Toi aussi, Pollen, tu sens tout. Toute la vie autour de toi bruire à l'unisson. Se répandre en un chant triomphant qui efface les mots proférés par Néflier autrefois, des mots de vie. Tes cheveux poussent, longs. Et moi, ils recouvrent maintenant tes hanches, descendent en une longue cascade jusqu'à tes chevilles. Ta barbe à pousser en tous sens. On ne voit plus que tes yeux surnager dans cet ensemble de poils hirsutes. Cousin machin. Roux. Ah, là, c'est cousin machin, mais version orange. Ah ouais, carrément. Ah, c'est la nouvelle génération, cousin machin. Yes. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment émettre agir comme l'a fait Mathieu. Tu avais suggéré hors micro, Xavier, que tu cherchais à recouvrer tes souvenirs, mais tu ne l'as pas fait après. Changer de but, tu ne l'as pas fait non plus. Pour l'instant, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas dit. Ah, il faut le dire, ça. Ah bah oui. Ah, faut parler, mais c'est difficile pour un voleur de parler. Le voleur oublieux. Mais... Et c'est ainsi que... Attends. Le voleur oublié. Non, pas le voleur oublieux. Le voleur sans mémoire. Le voleur sans mémoire. Ou est-ce le voleur de mémoire ou le voleur oublieux de ses douleurs entreprend de gravir la pente aperçue la veille, une pente rude qui serpente dans la montagne boisée vers le tombeau du seigneur des lieux, où dans le retable est enfermé la voix du passé. Marcher à sa suite. Et ce ne sont pas les douleurs ou l'épaisseur de l'air, sa densité, les pollens chargés qui vous retiennent. Ce sont les douleurs de vos corps vieillis qui peinent à vous porter sur ce chemin étroit parmi les ronces, les lianes qui pendent des arbres. Mais bientôt, ces arbres changent la forêt, changent. Les troncs sont plus étroits. C'est sur un lit de brindilles que vous marchez. Bouleau, être. On cédait la place à des pins majestueux qui obscurcissent le ciel. Plus de brume, un vent se lève, un vent qui fait tourbillonner les brindilles sèches autour de vous. Le rue a disparu, enseveli sous les monceaux de brindilles qui viennent vous lécher les joues. Les brindilles s'amoncellent tout autour, vous s'amoncellent partout dans les replis de vos vêtements. Parvenez dans une grande clairière. Une mare. Cette mare est brossée par les bourrasques de vent qui hérissent sa surface. Sur la plage, vous voyez les tourbillons se former sur la berge. Trois tourbillons se forment. des amas de brindilles, de feuilles, de lianes qui forment bientôt trois bons hommes, comme les bons hommes patates que tu découpais dans les topinambours à l'orphelinat. Je sors mon couteau. J'aimerais tellement utiliser ça. Les silhouettes ont maintenant des jambes, des bras et se dirigent vers vous. Je m'approche de mes copains. Les copains, vous êtes sûr que c'est comme ça que ça doit se passer? C'est sûrement comme ça que tu vas mourir, hein? Quoi? Attends, quoi? Les fliers! Fuyez, pauvre fou! Fuyez! Les fliers, fuyez! Interloqué, la première silhouette qui proférait néflier dans un flot de brindilles et de feuilles qui s'échappent dans la bourrasque issue de sa bouche portant son murmure jusqu'à vous, te regarde interdite, semble avec difficulté faire marche arrière, démarche grotesque. Mais ne... J'ai dit cela... Dragonnier! Exactement, c'est... En te regardant, fais la silhouette plus frêle qui est derrière. Dragonnier! Moi, c'est Pollen. Je sors mon couteau, je dis, c'est moi, Dragonnier. Pollen! Fuyez, pauvre fou! Et je sors mon couteau. Rappelle-moi, quel rituel as-tu? Immobilisé. Et tu cherches à figer cela? Oui. C'est donc ton corps, ton âme, un rituel. Hop. Quoi? Tu jettes les dés. Mais quoi? Il prend 5-1-1-1. Tu prends un point de ruine, quoi qu'il arrive. Tu prends un point de ruine. Et tu as une réussite mitigée. Oh. Ou alors sur lance, en relançant le dé de ruine à 1. Et tu... voilà. Tu peux relancer ce dé là si tu veux, mais tu prends le risque d'augmenter encore de 1 ta ruine. Ouais. Non mais, tu prends le risque, ça ne l'augmente pas forcément. Ouais. Tu lances le dé 1. Ouais. Donc tu augmentes de 1 ta ruine et tu as une réussite globale. Non, il reste un. Mais... Non, il n'est pas relançable. Sauf à ce que tu prennes un nouveau risque, mais il faut pas que ta ruine atteigne 6. Là, j'en suis à 4. À 4, donc tu peux la porter à 5 en rejetant des... J'hésite. Je dis que c'est mieux de faire ça. Mais tu ne gagnes pas forcément 1, 2. Là, tu ne gagnes pas assurément. Oh, là, tu d'abord, l'as gagné, lancer le dé. Tu l'as gagné parce que il était meilleur que ton meilleur jet clair. Donc là, tu es à 4. Vu que tu étais à 2 et que tu as pris 2 points. Voilà. Et là, tu relances un dé, le dé par exemple qui marque le 6. Tu relances à nouveau. Vas-y. 4. Tu es au même seuil que ta ruine actuelle, donc tu l'augmentes pas. Ok. Tu restes à 4 de ruine. Donc du coup, j'avais fait 6, 4. Et je crois que tu devais en laisser celui-là. Bah, ça correspondait à celui-là, mais c'était un dé de risque que tu. Un dé sombre que tu jetais. Et bah, du coup, là, je le mets à 6. Bah, t'as eu un 6 sur ton premier dé de risque que tu as jeté. Là, tu as obtenu un 4. Le 4. Fait que c'est une réussite mitigée, plus d'échecs. Tu as que de la réussite mitigée et tu restes à 4 en ruine. Donc, réussite mitigée, c'est à moi de raconter en quoi... C'est une réussite mitigée. En quoi il y a une contrepartie néfaste. Toi, tu décris comment se figent les trois silhouettes. Je mets mes mains comme ça, je crie « lié » et ensuite, il y a des sortes de lianes qui attrapent les silhouettes qui sont un peu serrées, qui ensuite éclatent. Et brusquement, ils tombent par terre comme des statues et pour ensuite s'envoler avec la bourrasque. La bourrasque les emporte ? Oui, ils partent, emportent ce qui ressemblait à des statues. Le vent qui souffle et emporte au loin les brindilles qui vient jusqu'à toi, souffle sur toi et tu sens ce vent chargé de brindilles, de boue mémorielle, de boue d'autrefois, souffler sur ton visage, dans tes oreilles, corner les voix entendues qui se mêlent, qui s'entrechoquent, qui effacent, qui profèrent, qui affirment, qui nient, qui pressent tes tympans. Des passerelles, des corniches, des escaliers, des échelles, monte-charge, trous, conduite, forêt de câbles et de ponts qui pendent entre les bâtiments. Tout cela, tu te souviens de les avoir parcourus, arpentés, alors que tu fus commando aux ordres de l'Ankar. La bourrasque a emporté les silhouettes qui vociféraient vos noms, s'agitaient et ces gosies maintenant avec le vent, le murmure même qui imprègne tes linges. Enfin le silence, un silence habité par quelques clapotis de l'eau. Puis je regarde mes mains et... je fais donc la tête. Néflié, tu entends un léger bruissement. Après tout ce vacarme, toute cette agitation, cette jeunesse répandue en pure perte, sous la bise. Et tu vois surgir devant toi une biche, les yeux agrandis par la crainte. Elle bondit. Elle quitte la greffe dans un mouvement élancé et gracile. Elle gambade, s'éloigne, se perd à l'horizon de la forêt et s'enfonce dans le sable jusqu'au cou, s'enlise, tu la vois sombrer. L'oreille frémissant dans les boues. Le silence se rétablit. Tu entends les bruits que produit ton corps au-dedans. Le ventre. Les boyaux. Qui crient famine. Vous n'avez pas mangé. Vous n'avez pas mangé depuis quand ? En croire vos barbes. Je sors de mon... Ah, oh, ça, je l'ai volé ce matin. Tu entends un bruissement. Oh. Une biche bondit. Oh. Elle te regarde, les yeux agrandis par la surprise. Manger. Elle bondit. Mais à nouveau, attends. S'éloigne sur la grève et s'enlise, s'enfonce mais dans le sable. Qu'est-ce qu'elle fait ? Sur la berge. Elle va savoir. L'oreille frémit. Je sors un bout de pain de ma poche. Il est couvert de moisies. Oh, j'ai oublié de le manger. Et... la croûte est toute dure et rigide comme du bois, mais lorsque tu t'en saisis, elle craquelle, s'enfonce à l'intérieur, c'est comme ces champignons péteurs, ces vestes de loup, des spores qui se répandent. Au-delà de la mare, il y a ce chemin. Le chemin serpente encore sur la montagne, mais peu de temps. Vous voyez, vous discernez maintenant que les bourrasques ont chassé les bancs de brume qui obscurcissaient la forêt. Vous apercevez très nettement un entablement. Sur cet entablement encadré de majestueuses épicéas, d'épinettes gracieuses, vous apercevez un moulin. Un moulin dont la grande roue à aube tourne lentement. C'est pas celui de tout à l'heure? Quittez-vous la grève pour rejoindre le moulin ? Trouvez-vous une meilleure idée ? Ou renoncez-vous et rebroussez vos chemins pour trouver à manger ? Moi, je dirais que ce serait mieux d'aller dans le moulin, premièrement. Je suis l'idée de... Dragonnier. Ce n'est pas le moulin de bois. Ce n'est pas les... l'atelier, l'appentis de bois clair, de clayonnage peint. C'est une vieille bâtisse humide en pierre, aux murs noircis par la moisissure, aux murs d'un noir de ténèbres au-dedans. Sur le côté, par l'encorbellement sur lequel joue la roue à aube entraînée par l'eau. Pénètre un peu de lumière qui irise les moisissures innombrables qui souillent les murs. La porte, lorsque tu la pousses, l'effilée grince, crisse sur le sol, puis semble se réduire en poussière comme le pain que tantôt Ragonier a saisi entre ses doigts et a vu s'effriter telle une veste de loup. La porte se dissipe en spores noirâtres qui se répandent sur le sol, dans un chointement qui achève le grincement à peine esquissé. Au centre de la pièce, après un entrelac de bielles, de mécanismes divers qui vont de la roue à aube jusqu'à un grand établi, trône un pavillon qui autrefois a dû être exquis, de la porcelaine, une matière de ce type. Un grand pavillon qui orne un gramophone. Les pistons et bielles axent ce gramophone. Et une aiguille vient presque distraitement heurter la surface du disque de cire du pavillon, du grand pavillon qui est plus grand que vos têtes, vos trois têtes réunies, coule une substance poisseuse comme la sève, une substance d'un blanc terni, altéré, piqueté du même noir que les spores. Vous entendez toujours ces sons qui bourdonnent à vos oreilles et qui semblent épouser le rythme de l'eau qui jaillit de la roue à aube pour disparaître vers la montagne et entraîner les pistons et bielles qui viennent actionner les mécanismes à l'intérieur du gramophone, du vieux gramophone dont l'aiguille aussi piquette. Face de l'angle de la pièce, vous voyez bruire, s'agiter les mousses qui ornent les murs. Elles semblent croître à mesure que vous retrouvez l'aisance dans vos gestes. Je regarde mes cheveux pour voir s'ils sont toujours blonds et pas vermoulus. Tes cheveux sont blonds, courts, coupés au bol comme à poule en condor. Ta barbe, tes poils surabondants, cousin pollen, t'ont déserté. Tu es désormais chauve comme il s'y est à la bonne sangsue que tu es. Pareillement, Néflié, tu as retrouvé les quelques poils qui ornaient ton caillou lorsque tu étais tel Nalnef venant tomber au pied de l'arbre. Une nef verte à la peau toute fine où tu devines les veines au travers. Tu sens toute l'énergie, la sève couler en toi. La main de mousse prend forme dans les angles. Trois silhouettes. Et moi, je me colle à. S'éloigne. À mon ami qui est juste à côté de moi, qui n'est pas chauve. Je me dis. Il n'est pas chauve, il a quelques cheveux sur la tête. J'ai dit qu'il n'est pas chauve. Une petite tonsure derrière, comme les bedeaux de l'ordre. Et puis je lui dis, j'en ai marre de voir tuer tous les monstres. Aide-moi, s'il te plaît. Sa voix semble comme engluée dans une mélasse. À quoi ressemble cette silhouette qui s'approche de toi? Je sais pas, moi. À quoi ressemble ces silhouettes, Néflier? Je sais, moi, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une sorte de gentil bonhomme avec une sorte de télé là et des antennes. Ils sont tout contents. Du noir, la boue qui les forme, qu'ils ont puisé dans la terre, se renforce, forme des boudins oblongues qui forment leurs panses. Leurs jambes, leurs membres rondouillards, leurs faces épanouies. Ils ont des écrans sur lesquels apparaissent des images intermittentes de Little Ho, des gens qui circulent à vélo dans les venelles étroites. D'autres qui réalisent leur parcours bondissant de toi en toi. Puis l'image se fige. De grands sourires apparaissent. Comment s'appelle-t-il? Axel, c'est mon ami. Comment s'appellent-ils ces petits bonshommes avec... C'est les Télétobies. Un anneau qui pointe vers le ciel. Une croix. Ils ont pris des couleurs vives. C'est les Télétobies. J'adore ça. Je regardais quand j'étais bébé. Ça ressemble plus à... la peinture de la chapelle Sixtine avec... Dieu et l'homme qui se touchent d'un doigt, mais bon. Qui approche son doigt du tien. Sauf que son crâne est allongé et que sa main porte des griffes. Moi, je suis toujours collée à mon ami. J'ai peur, je veux mon doudou. Fin de partie. Ok. Ça fait peur. Je veux plus regarder les bis. Ils ont l'ours mis les Télétobies. Non. De cette expérience. Intéressante. Flippons les Télétobies. Mon chat est venu manifester parce que je lui ai piqué son prénom. Alors, Mathieu, je tiens à te remercier d'avoir, malgré les circonstances, joué avec nous. Sincèrement. Je n'ai pas été particulièrement croisant. Non. Moi j'avais Est-ce l'impression. Que vous avez apprécié la fiction en elle-même que nous avons produite? Oui, j'ai transformé les monstres en Télétobies qui sont transformés eux-mêmes en monstres. J'ai peur des Télétobies maintenant. Je fais un cauchemar. Alors, d'après vous, quel était ce que vous affrontiez Un Teletubbies debout qui a commencé à se transformer en alien. Alors, quel est, selon vous, le propos du jeu au-delà de ce que j'ai pu vous dire en amont de la partie ? Gabriel, pour moi, c'est de l'introspection, en fait. À quoi sont confrontés les personnages dans Trophée Sombre ? Qu'est-ce que leur renvoie la forêt ? Leur propre personne, et tout ce qu'ils ont pu faire de mal, ou ce dont ils ont été accusés par la société, par la société qui les a vus naître et dont ils ont été exclus. Alors vous avez, je pense en partie, plus en tant que joueuse qu'en tant que personnage, vous avez souhaité poursuivre votre ascension de cette montagne boisée. D'après vous, est-ce que votre personnage, par rapport à la façon dont vous l'imaginiez, aurait gravi jusqu'au bout ce qui pourrait s'apparenter à un calvaire ? Non. J'en doute. Aurait-il renoncé ? Potentiellement. Possible. Moi, oui. Moi, j'aurais refusé, mais que si les copains n'y allaient pas. Ton personnage aurait suivi l'attitude des autres. Mmh. En fait, je pense que les autant l'interprétation unanime de tes frères est valide, autant la tienne l'est aussi. Je pense qu'on aurait eu, par rapport aux personnages en eux-mêmes, des gens qui renoncent, des gens qui sont trompés par leur sens et qui deviennent incapables de prendre des décisions, qui sont alors englués dans leur situation, qui n'auraient pas franchi, qui seraient restés dans un cercle, sans rebrousser chemin, ils n'auraient pas trouvé l'énergie de repartir et ils seraient restés purement et simplement. Est-ce que vous pensez que ce que je dis là fait sens ? Oui. Par contre, j'avais l'impression de jouer que avec toi, papa, de temps en temps. Après, de temps en temps, je dis bien. Alors, le propos de Trophée Sombre, c'est de mettre en avant la cupidité ou l'envie et de faire affronter aux personnages qui sont habités par celle-ci le renoncement que ça implique. Un peu comme dans Aguirre ou La Colère de Dieu. Un conquistador qui est habité par la folie de conquérir le territoire, magistralement interprété par Klaus Kinski. C'est un peu le propos du jeu, je dirais. Le sel, c'est offrir cela, ou plus récemment, dans un film plus récent, il y a un film comme ça qui a... Alors, il n'est pas traduit... C'est le nom anglais, c'est des Vikings qui partent qui découvrent les côtes d'Amérique et qui sont habités par la folie et c'est un peu l'esprit du jeu. Ce que nous proposait Jean-Baptiste d'affronter, c'était le temps. Et toi, t'as dit quoi ? Alors, je dirais que je vous ai dit en amont, et je confesse ma prétention, ça va avec le propos du jeu, c'est rigolo, parce qu'il y a la prétention, l'avarice, l'envie, etc., qui sont au cœur du jeu. Donc, je me suis dit que c'était très proche de l'empreinte, et que l'empreinte, sans en avoir fait le tour, loin s'en faut, j'avais le sentiment de la maîtriser. Et en fait, le gameplay du jeu, à mon sens, il est beaucoup plus exigeant parce que celui qui est MJ, il doit gérer en fait les cercles. Donc le cercle, c'est en gros une atmosphère qui est liée à une scène. Donc je pense que même si je les ai matérialisés par des bougies que j'ai allumées à chaque fois que vous franchissiez un cercle, vous avez senti ça, j'ai réussi à le mettre en place, les cercles et des atmosphères différentes. En revanche, il y a des moments qui sont des éléments qui sont déclenchés, qui doivent entrer en résonance avec un questionnement sur le passé des personnages. Et ça, j'ai eu beaucoup plus de mal à le mettre en œuvre. Et si, par exemple, je le faisais, j'avais du mal à susciter votre intervention, votre création. Et en fait, c'est très difficile de le poser sous forme de questions suffisamment ouvertes pour qu'elles deviennent intéressantes pour la joueuse. Que tu aies envie d'investir. Donc, par exemple, tu as parlé sur les formes, tu as rebondi et tu as parlé de Teletubbies. Mathieu nous a parlé du célèbre tableau qui orne la chapelle Sixtine avec ses mains qui se tendent l'une vers l'autre dans l'espoir de se rejoindre. Ah non, sinon, j'aurais pu citer E.T. qui s'inspire. Oui, justement, je parlais de. Moi, je pense à E.T. parce que j'ai des doigts. Et moi, ça renvoyait à la. Pour moi, personnellement, la référence qu'il faisait, ça renvoyait à moi quelque chose de. Dans mon parcours personnel de joueur de jeu de rôle, à la couverture de Skyrims of Jorun. Un jeu de SF, un excellent jeu de SF anglais. Et sur la couverture, on voit un Chanta qui reproduit le même geste que sur la chapelle Sixtine. Et les Chantas sont un peu l'âme de ce monde. Ils dialoguent par l'échange d'énergie primale qui circule au sein du monde et qu'ils ont domestiqué et qui circule en eux et qu'ils peuvent manipuler d'une certaine façon. Et qu'ils peuvent condenser. Et là, c'est un grand maître qui est mourant sur la couverture et qui transfère une partie de son énergie vitale à un autre. Et c'est un peu comme ça que je voyais la suggestion de Mathieu à ce moment-là. Et parmi les altérations de la forêt, j'imaginais un maltronche qui serait devenu un peu taupe à fuir et à subsister ainsi au cœur de la forêt. Par exemple, ce pourrait être Hans ou Henrik, dont vous a parlé le vieil ermite au début de l'ascension. Celui à qui j'ai volé l'arme. Par exemple, mais qui serait devenu, dans son errance, englué dans ce temps qui se boucle, comme la boucle avec la biche, comme l'eau qui jaillit de la roue à eau pour remonter dans la montagne, au lieu de l'inverse. Ah. Et qui se trouve donc englué et qui est devenu un homme tôt parce qu'il a été gangrené par les grégores que contient la forêt. Après, moi, au début, quand tu m'as décrit, j'ai voulu faire un truc joyeux pour éviter qu'il nous attaque, parce que voilà, toujours mieux de pas se faire manger. J'ai commencé à expliquer les Teletubbies. Quand tu m'as expliqué tout ça, j'ai vu le sourire, j'ai dit « Oh mon Dieu !» Non, non, c'est mon copain, je vais pas m'imaginer des trucs qui font peur. Alors, si je veux continuer sur cette idée de semi-échec pour moi, c'est que j'ai pas vraiment maîtrisé comme il se doit Trophée sombre. Pour moi, le jeu m'échappe encore. J'avais lu des comptes rendus de parties de joueurs chevronnés qui étaient essayés et qui disaient que justement, jongler entre les divers aspects, c'était faussement aisé. Et maintenant, je le comprends du point de vue du MJ. Reste à espérer que vous avez quand même apprécié un tant soit peu la partie. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la fiction elle-même, même si je l'ai fait délibérément, j'ai injecté, il y a des éléments communs avec ce que nous avons joué la veille avec Xavier. Oui. Et puis c'est autour du moulin et de la roue à aube. Aussi, mais ça, c'était contenu dans le scénario proposé Jean-Baptiste. Quand t'as parlé d'épicéa, j'ai fait hein, hein, quoi? Mais il y avait des correspondances entre les deux, et les correspondances ont été fécondes de mon point de vue par rapport à l'histoire et ce qui s'y passe. Et donc, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous avez des points que vous souhaiteriez ajouter? Non. Moi, non. Ah, si. Je vais faire la description de mon personnage parce que j'ai juste dit qu'il avait des cheveux blonds. Et du coup, il porte un cache-nez, il a les yeux verts et il a les cheveux blonds. Mais en fait, je suis pas convaincu que ce soit pertinent de faire ta description déjà en fin de partie lors du briefing. Ça me semble vraiment aux antipodes de toute immersion. Et d'autre part, si tu décris pas ton personnage physiquement, c'est pas... La plupart du temps, mes personnages sont physiquement pas décrits. Et... Ça laisse libre cours aux autres de l'imaginer. Et donc, c'est... Bah, oubliez tout de suite que vous avez entendu, d'accord ? Et ça permet aussi aux autres de construire sur ton personnage. Mathieu... Plutôt que de faire... Ah, j'ai un couteau bionique... Mathieu, des fois, il n'avait pas arrêter, décrit physiquement son personnage, tout autant que Gabriel. Et a pu dresser une description. Moi, il m'a mis de la barbe. Bon. C'était le vieillissement prématuré, etc. Mais après, quand vous êtes revenu, où le mouvement s'inversait, vous rajeunissiez. Si ta voix s'engluait, etc., c'est que tu redevenais un bébé. Quoi ? Et donc, à mesure que vous rajeunissiez, que vous retourniez... et en fait, l'idée, c'est que vous retourniez au bas de la pente pour la gravir à nouveau, rencontrer Mistède, etc., et tout recommencer. Ce pouvait être, à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai fait un lien avec la religiosité, avec la spiritualité, et avec la sensue telle que je l'imaginais en mille veaux, l'herboriste un petit peu versé dans les choses et qui se rase le crâne pour éviter toute contagion, le bedeau, le prêtre. Donc, qui a gardé la coupe qu'ont les moines. La tonsure, comme un vestige des... Et le truc fétiche des voleurs, se mettre de toi en toi. De la liturgie, mais avec une liturgie complètement transformée. Les références aux vieux, à Jésus-Christ, au rituel avec les linges en 2016, tout ça, c'était... une autre liturgie qui a été déployée.